quatrième et dernier temps de notre série « À l'ombre de la Grande Guerre », aujourd'hui le documentaire. Au lendemain de la polémique déclenchée par les propos du président de la République sur Philippe Pétain, nous vous proposons un documentaire signé Olivier Chaumel et Thomas Duterre sur une figure oubliée des années 20 et des années 30 qui refusa par pacifisme de faire son service militaire, traumatisé qu'il était par le souvenir de la Grande Guerre qu'il n'avait pas l'âge de faire d'ailleurs en 1914-1918. Il fait partie de tous ceux qui, dans les années 20 et les années 30, ont refusé la guerre justement à cause des outrances de la Première Guerre mondiale. Hormis sa notice dans le fameux dictionnaire des militants anarchistes de Jean Métron et quelques articles de presse des années 30, on sait peu de choses de lui. Olivier Chaumel part donc à sa recherche en compagnie de quelques personnes qui ont travaillé sur l'auteur de « Soldats jamais », un des textes fondateurs donc de l'objection de conscience en France. C'est donc un inconnu de l'histoire, fantomatique et oublié, dont la Fabrique de l'Histoire dresse le portrait ce matin dans le documentaire, jusqu'à 10h, avec les analyses et les témoignages de Serge Ujiroyo, Bernard Bessa, Daniel Pinos, René Burger et Édouard Sill. C'est jusqu'à 10h. Est-ce qu'il a encore une petite place dans la mémoire des mouvements libertaires aujourd'hui, Gérard Leretour ? Alors, des mouvements libertaires, je ne sais pas. Les mouvements libertaires français sont extrêmement réduits. Presque inexistant. Par contre, le mouvement pacifiste, évidemment, c'est un nom. Parmi beaucoup d'autres, hein, mais c'est un nom. Ouais. Gérard Leretour, le héros qui ne voulait pas être soldat. Olivier Chaumel, Thomas Duterre. Vous êtes chanteur et poète, anarchiste, Serge Ujiroyo. Je vous ai amené une photo de Gérard Leretour, on n'en a pas beaucoup. C'est une photo prise en 1933 dans un tribunal. C'est le personnage qui est à gauche. Qui a un petit sourire, lèvres pincées et un petit air narquois. Très sympa. Très belle tête d'homme. Il a 24 ans à l'époque. C'est un peu ce qui caractérise les aventures de Gérard Leretour, c'est que ça concerne un homme qui est très jeune. Oui, des hommes qui ont l'âge d'aller à l'armée, faire la guerre, mourir. Et qui ont parfois un courage hors du commun. À l'époque, il fallait en avoir une sacrée dose. Dans les années 30, pour défier l'idée de l'armée, l'idée même de la défense, il fallait avoir une sacrée dose de courage. Ouais. Non, ça devait être très très dur. Je reçus vers le 18 octobre 1929 une convocation pour me rendre au 12e régiment d'artillerie divisionnaire à Haguenau. Je devais y être rendu le 23 du même mois. Le jour où je devais partir, j'envoyais au ministre de la Guerre, Maginot, une lettre recommandée, dans laquelle je lui disais qu'après mûre réflexion, ma conscience m'interdisant de porter les armes, je ne me rendrais pas à la convocation qu'il m'avait adressée, et que je me tenais à sa disposition à mon domicile. Et tout en vaquant à mes occupations comme si de rien n'était, j'attendis. Enfin, le 2 décembre, deux gendarmes vinrent au petit jour me surprendre, me faire habiller, et en route pour la gendarmerie. Là, procès-verbal d'arrestation, puis départ pour la prévôté, la police militaire à Paris. Gérard Leretour, soldat jamais, 1933. Le titre de son livre dit à peu près tout, soldat, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Daniel Pinos. Mais écoutez, Leretour, il est quand même insoumis dans les années 20, et on sort de la guerre de 14-18. Le militarisme est à son fête dans un pays victorieux qui a amené l'Allemagne à la reddition. Les héros ont la cote, c'est sûr, mais la guerre peut-être moins. La guerre, non, bien sûr, et puis bon, évidemment, ce million de morts. Donc, le retour, il fait partie de cette génération qui vient juste après. Et il est très sensibilisé à ces questions-là, puisqu'il est déjà militant, militant libertaire, et quand il arrive à Paris, il a une conscience politique très prononcée, il remet en question le rôle de la guerre, le rôle de l'armée au service du capitalisme en tant qu'instrument de répression contre les mouvements populaires. Réfractaires, qui résistent à de très hautes températures, métaux réfractaires, tungstène, tantale, briques réfractaires, qui résistent à, refusent d'obéir, de se soumettre, voire rebelles. Petit Robert. Nous avons été soumis pour la partie masculine de la population à la conscription. Nous devions, selon le code militaire, un certain temps de notre jeunesse à la nation. Bien entendu, il se trouvait des jeunes gens qui n'avaient pas très envie de faire leur service militaire. Certains le faisaient quand même parce qu'ils ne voyaient pas comment y échapper. D'autres avaient la chance d'être exemptés ou réformés. Pour Gérard Le Retour, ça n'est pas le titre d'un mauvais film, c'est son vrai nom, il n'était pas concevable de se transformer en militaire. Il a payé le prix fort pour ne pas revêtir l'uniforme et faire reconnaître le droit à l'objection de conscience. Le Retour a fini par vaincre la bête et a aussitôt publié le récit de son combat. À compte d'auteur, rien d'étonnant à ce qu'un texte comme celui-ci ne fût accueilli par aucun éditeur respectable. Il est beaucoup trop subversif. Ce beau document a été imprimé à petit nombre à l'époque. L'édition originale est très rare. Aujourd'hui, elle ne se trouve que dans 3 bibliothèques publiques. L'exemplaire que nous avons pu consulter porte la mention « Dépôt du ministère de l'Intérieur » qui laisse songeur. Comme l'opuscule était susceptible de menacer la sécurité de la nation, les renseignements généraux avaient dû missionner un brave fonctionnaire pour aller acheter discrètement, soldat jamais, auprès d'anarchistes connus des services. On imagine que Gérard Le Retour aurait aimé assister à cette scène touchante. Mais reprenons le récit de ses aventures à leur début. Comme la majeure partie des jeunes garçons de son âge. Édouard Cille, historien. Il est convoqué pour effectuer son service militaire. Qui dure combien de temps, 1929? Alors, en 1929, il est, par une véritable curiosité, descendu à un an, contre 18 mois auparavant. Depuis la réforme, la loi Paul Boncour de 1927, qui tentait d'augmenter la durée du service militaire, le ministre Boncour a rencontré une mobilisation antimilitariste et pacifiste de premier plan. Et curieusement, non seulement le projet de réforme militaire de Boncour est battu en brèche, mais le service militaire est réduit pour la première fois depuis 1798 à sa période la plus courte de son existence. Dès qu'il est arrivé à Paris, puisqu'il travaillait comme manuel, il s'est tout de suite introduit dans les milieux libertaires. Il avait fait un passage chez les communistes, mais il a très vite compris que c'était pas son truc, parce que les communistes, il faut obéir, hein, c'est un peu l'armée aussi. Hein. Donc, en réalité, c'est pas du tout un militant né, Gérard non, Le Retour. Pas du tout, il est de famille ouvrière, mais il a travaillé très jeune, il a travaillé dès l'âge de 12 ans. Bernard Bessa. Une vie assez laborieuse. Mais bon, il débarque à Paris, il connaît personne. Mais très vite, sur les chantiers, il rencontre des personnes qui l'invitent à des réunions et il se retrouve avec des libertaires. Gérard Le Retour était un individualiste. René Burger. Ça se comprend aussi par un peu sa formation d'autodidacte. Il n'a pas forcément eu accès très facilement à toutes ces idées. Mais pourtant, il les a trouvées. Et là, c'est quelque chose de remarquable, parce que dès qu'on trouve des idées avec lesquelles on est en résonance, eh bien, ça devient de la passion, ça devient autre chose. Et on arrive à les exprimer, ces idées, on arrive à les mettre en musique, et on arrive à en faire quelque chose qui fait que on réussit sa vie ou pas, quoi. Il a apparemment beaucoup creusé les différentes théories, si on veut. Sans adhérer à aucune d'entre elles complètement, me semble-t-il. Oui, oui, c'est d'ailleurs le cas de la plupart des pacifistes et des résistants à la guerre. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3, c'est le droit au refus de tuer, le droit à la vie, en quelque sorte, dont le corollaire est ce droit au refus de tuer, qui est l'objection de conscience. Le retour a découvert ce principe de l'objection de conscience et ça a été un peu, j'allais dire, l'ossature de sa personnalité pendant toute sa vie. Comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres pacifistes dans tous les pays du monde. Le pacifisme ne connaît pas les frontières. C'est bien pour ça qu'en 1921, à Bilthoven, s'est constitué cette internationale des résistants à la guerre par des réfractaires à la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, on se trouve donc 10-12 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, après ce traité de Versailles, et on découvre quantité de choses. On découvre en particulier que Poincaré avait été un menteur au moment du traité de Versailles, puisqu'il avait falsifié des documents délibérément. On découvre qu'il y a eu des massacres pour rien. On découvre que cette énorme saignée qui a été la guerre de 14-18 n'a pas servi à grand-chose pour la plupart des gens. Oui, parce qu'il commence à y avoir quand même un peu de remue-ménage dans certains villages où des hommes ne sont pas revenus, mais pas parce qu'ils ont été tués à la guerre, parce qu'ils ont été fusillés, pour l'exemple. Donc il se passe quelque chose dans cette France. Dans les années 20, 21, 22, on commence même à réhabiliter certains fusillés, pour l'exemple. On commence même à remettre leurs noms sur des monuments aux morts. Donc c'est une période un peu contrastée. On commence à accepter l'idée que la paix, c'est pas mal. De façon générale. Donc c'était très difficile de parler des fusillés pour l'exemple, qui étaient plus que des insoumis, eux. Vous n'êtes même plus dans nos mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Un jour, sortirez-vous des oubliettes. Un jour, verrons-nous gagner votre cause. J'en doute avoir le train dont vont les choses. Mutin de 1917. Mutin de 1917. Jacques de Boncœur. Rentrez-vous à présent dans la glèbe féconde. Ou grâce à vous, du bon. C'est à toi que je parle. À toi, conscrit, mon enfant par l'âge et par la tâche quotidienne, mon frère. Puisque l'heure va sonner pour toi de payer à la société bourgeoise l'impôt du sang, qu'elle ne t'épargne pas plus que les autres impôts. L'heure où toi, fils d'ouvrier, ouvrier toi-même, prolétaire d'hier et prolétaire de demain, tu vas endosser la livrée du soldat, en échange de ton vêtement d'homme libre et de citoyen. Puisque tu vas quitter l'atelier, l'usine, le chantier, le théâtre de ton labeur quotidien, ce milieu où tu vivais encore avec un peu d'indépendance dans l'allégresse de ton printemps, puisque ta conscience t'appartient encore, fais comparaître devant elle ceux qui demain te parleront en maître et se feront tes geôliers. Tes parents sont des lâches. Ils défèrent aux mensonges de la patrie et permettent sans horreur que tu t'en ailles sous les drapeaux. dans cet enfer de la caserne, dans cette école du crime. Tu vas devenir une machine à donner la mort. Avec ton harnais de guerre, ton fusil, ta baïonnette, par le sabre et par le revolver, tu imposeras aux malheureux, tes frères, l'autorité malfaisante des riches et des ventrus. Toi qui ne possèdes pas un lopin de terre, pas une pièce d'or, tu te feras le gardien de la propriété. Hélas, tes 20 ans rendront paisible le sommeil des parvenus sexagénaires. À moins que ton sang n'aille dans les pays équatoriaux engraisser le territoire enlevé par violence aux peuples indigènes, pour l'accroissement des larrons, prêtres, soudards ou financiers. Laurent Taillade, Lettre au conscrit, 1909. Gérard Le Retour, en arrivant à Paris, probablement sans connaître d'ailleurs beaucoup de gens, fréquente un comité, le comité de soutien à Eugène Guyot, qui est un jeune garçon à peine plus âgé que lui, qui a décidé, pour des raisons politiques, en tant que militant anarchiste, de se soustraire à son ordre de mobilisation et de faire de son insoumission une revendication, une tribune politique. Eugène Guyot est le militant, le personnage antimilitariste, l'objecteur, on va dire, qui va servir de modèle à Gérard Le Retour. Dès que je fus arrêté, je fis la grève de la faim. L'étonnement des jeunes soldats en me voyant refuser ma pitance ne connut pas de bornes. Ils n'avaient jamais vu cela. Le bruit de ma grève de la faim se répandit dans toute la caserne, au grand dam des officiers. Ils décidèrent d'urgence de se débarrasser de moi et de m'envoyer immédiatement à mon régiment, c'est-à-dire à Haguenau. Au bout d'une demi-heure de chaos sur le pavé, la voiture s'arrêta. Nous étions à la gare de l'Est. Formalité avec le personnel de la gare, désignation d'un compartiment, avec fixation de ma chaîne à un tuyau de chauffage central, pour que je ne puisse pas me sauver, me dit intelligemment un des deux Pandores. Et en route pour Haguenau. Gérard Le Retour, soldat jamais, 1933. Lorsque il s'évertue à Haguenau, où il est amené de force par la gendarmerie à faire la démonstration de son insoumission, en procédant d'ailleurs une première fois par la grève de la faim, cette démonstration de force, entre guillemets, le conduit à l'asile psychiatrique. La grève de la faim dont fait usage Gérard Le Retour dans ce cadre-là, et dans un cadre de revendication politique, est encore, en 1929, chose assez nouvelle. Il est évident que pour le médecin militaire de la caserne de Haguenau, il est en face d'une situation qui ne s'était probablement jamais posée, en tout cas c'est dans relativement caserne. Inédit. Tout à fait. On ne peut pas être étonné de ce transfert du soldat Le Retour, du récalcitrant Le Retour, de sa cellule d'insoumis de la caserne à l'hôpital psychiatrique, où il fera un certain nombre de rencontres, mais surtout se rendra compte qu'il s'est placé dans une situation extrêmement contraignante pour lui, dans laquelle il risque l'alimentation forcée, il le dit d'ailleurs, hein, les grèves de la faim depuis la fin du 19e siècle conduisent à une alimentation forcée de la part des autorités. Avec une sonde dans le nez. Par une sonde dans le nez, dans la gorge d'abord. Le Retour parle de torture. Voilà, exactement, c'est un tube en caoutchouc qu'on introduit de force dans l'œsophage et si le patient casse le tube comme ça se produit et s'étouffe d'ailleurs parfois, on procède par le nez. Donc Gérard Le Retour a déjà connaissance de ces usages et je pense qu'il a peur tout simplement. À peine la porte s'était-elle refermée que je vis un homme se précipiter vers moi, les deux mains tendues, m'attirer à lui et me pousser doucement dans un fauteuil confortable. c'était le commandant-major Rouquier, chef du service de neuropsychiatrie à l'hôpital militaire Gaugeot à Strasbourg, professeur agrégé du Val-de-Grâce. « Mon cher ami, me dit-il, comme je vous plains, comme vous avez dû souffrir. Rassurez-vous, je suis des vôtres. Je suis officier par profession, mais si j'avais votre âge, je serais à votre place. Pour moi, maintenant, il est trop tard. J'ai une femme et des enfants qui me lient, mais néanmoins, je vous admire. Je m'attendais à tout, sauf à un accueil comme celui-là. Ma méfiance n'était cependant pas apaisée par ce beau discours. Mais peu à peu, je me laissais gagner au plaisir de rencontrer un homme qui me semblait bon, qui paraissait penser d'une manière voisine de la mienne, et je crus découvrir que, même à l'armée, il se trouvait des hommes de cœur et de conscience. Le médecin commandant de l'hôpital de Strasbourg rédige un rapport que Gérard Leretour finira par avoir, dans lequel il dit en gros « on ferait mieux de le laisser mourir de faim que de le garder chez nous avec tous les ennuis qu'il nous apporte ». Oui, très probablement. Il écrit quand même ça. Bien sûr. Alors, quel est le Gérard Leretour exprime bien dans ce dialogue biaisé entre le patient lui-même et le médecin militaire qu'on est alors dans un dialogue de sourds d'ailleurs entre un médecin militaire qui lui paraît de prime abord sympathique, oui, mais qui essaye de l'embobiner tout simplement. Naturellement, naturellement. Il y a 50 ans auparavant, des cas d'insoumission de ce type-là conduisaient à des bataillons disciplinaires en Afrique ou à l'internement pour une durée imprécise à Cayenne notamment. Cette issue qu'il choisit pour son entreprise politique, la sortie de cette impasse, l'emmène dans une deuxième situation imprévue, qui est celle, cette fois-ci, de déserteur, et de déserteur qui plus est, à l'étranger, puisque très rapidement, Gérard Leretour prend la décision, probablement l'absence de soutien d'ailleurs en France, à partir en Belgique, qui est une des destinations traditionnelles des déserteurs et des insoumis français. Et quand il s'évade à Strasbourg, il est dans l'improvisation totale. Et puis en plus, il est très faible parce qu'il se relève à peine de sa grève de la faim. Et il réussit quand même à trouver une maison d'un ami pour l'abriter. Cet ami lui donne pratiquement tout ce qu'il a comme argent pour qu'il puisse revenir sur Paris et de là aller en exil en Belgique. En Belgique, Gérard Leretour prend fait et cause pour un jeune insoumis anversois qui s'appelle Rutger Simons et qui est dans une situation à peu près identique à la sienne quelques semaines auparavant, c'est-à-dire qu'il est dans une prison militaire à Anvers et qu'il fait la grève de la faim. La Belgique connaît également un certain nombre de procès à l'encontre de jeunes appelés se refusant à effectuer leur service militaire. Dans le cadre de ce jeune flamingant, la question est d'autant plus importante qu'immédiatement, ce jeune insoumis se déclare en grève de la faim, mais se place immédiatement dans un rapport de force avec l'autorité pendant son procès. C'est, je crois, la façon dont cette grève de la faim est prise au sérieux en Belgique qui va provoquer chez Gérard Leretour cette idée qui est d'utiliser son propre cas au bénéfice de Simons et pourquoi pas lui permettre, lui Gérard Leretour, de pouvoir revenir en France en envisageant une mobilisation autour de son propre cas. Et ce qu'il préconise publiquement, c'est d'enlever le ministre de la Défense, qui s'appelle Croquart, et de l'exécuter si jamais Simons venait à mourir des suites de sa grève de la faim. C'est ça. Leretour contacte un journaliste de La Fouchardière qui est lui-même un militant pacifiste convaincu, qui est membre d'une association pacifiste et qui est tout de suite intéressé par le cas Leretour. Le retour lui fait cette déclaration bravache qui consiste à dire que lui, le retour, est prêt aux dernières extrémités si l'État belge ne libère pas immédiatement Simons. En faisant cela, il sait que l'article va faire mouche, que l'État belge va s'insurger contre cette déclaration dans les journaux français annonçant d'une part une ingérence d'un Français ou de la presse française dans un cas évidemment parfaitement inconnu au-delà des frontières de l'État belge. Et le retour avait tenté de mobiliser la presse belge sans succès. Sans succès, naturellement. Il me semble que si mon fils, partageant librement mes idées et les mettant en pratique, refusait d'accomplir son service militaire, je lui dirais « c'est très bien, mon petit. Oppose à ces gens-là une force d'inertie souriante. On peut mener de force un cheval à l'abreuvoir, on ne peut pas l'obliger à boire. On ne peut pas t'obliger à manier un fusil. Laisse-toi mettre en prison, mais nourris-toi bien pour conserver à la France un défenseur de la paix. Et si on te nourrit mal, proteste contre tes bourreaux qui veulent te laisser mourir de faim. » Le point de vue de Simons est différent. Il est plus élevé en ce qu'il est d'un héroïsme exceptionnel. Et son sacrifice est utile en ce qu'il montre aux patriotes que les pacifistes ne sont pas des égoïstes ni des lâches. Il faut un courage presque surhumain pour se laisser mourir de faim dans un cachot. Georges de la Fouchardière, L'Œuvre, 16 octobre 1932. Cette déclaration, elle est le premier jalon pour le retour de la seconde entreprise de son insoumission. Il va lui permettre de bénéficier, par le biais de la Fouchardière et du petit écho que rencontre l'article lors de sa parution dans l'œuvre, pour... Et qui fera mouche, puisque Simons sera libéré. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'État belge ne pouvait sûrement pas laisser mourir de faim un insoumis se plaçant dans ce cadre-là. Il s'est dit en Belgique que finalement, c'est très bien, mais il faudrait qu'on fasse une opération collective, c'est-à-dire qu'on revienne en France, Bernard Bessa, en se constituant prisonnier, et ça aura un impact sur l'opinion publique. Le retour revient en France tout seul. Tout seul, parce qu'il n'a pas réussi. Enfin, finalement, il a fait un appel. Il n'y en a que 4 qui se sont présentés. Et puis, au moment où ils ont décidé de partir, il y en a un qui avait une raison de ne pas partir à cette époque, parce que c'était au moment de la Noël, l'autre avait et il a dit, j'y vais tout seul. Et là, il est rentré en France, il est allé se représenter à Suresnes, à la gendarmerie, la commune de son domicile, et là, il a revu le gendarme qui l'avait déjà arrêté 2 ans avant, il lui dit, est-ce que vous me reconnaissez? Lui, il lui dit, oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez en Belgique, qu'est-ce que vous êtes venu faire en France? Je suis venu me constituer prisonnier parce que je suis un déserteur, etc. Déserteur en temps de paix. Je sous-signé, déserteur français, me déclarant objecteur de conscience et de raison, décide de rentrer de l'exil auquel mon refus d'obéir aux lois militaires m'avait contraint, de signaler au pouvoir constitué ma présence sur le territoire français, de faire la grève de la faim lorsque je serai arrêté, jusqu'à ce que le gouvernement me reconnaisse le droit de refuser de préparer la guerre et me libère de toute obligation militaire pour raison d'inaptitude morale. Je me place sous la protection de l'opinion pacifiste internationale pour qu'elle m'aide à obtenir cette légitime satisfaction. Signé Gérard Le Retour. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est que le chef du gouvernement se trouve être, j'allais dire Boncoeur, mais non, c'est Boncourt. Et donc, il savait que c'était quelqu'un qui s'était prononcé pour le pacifisme en général, quoi. Et donc, il a voulu le prendre au mot et il s'est dit, c'est une opportunité pour une fois qu'on n'a pas quelqu'un qui soit purement de droite au gouvernement. Mais il a fait son analyse, donc notre ami Le Retour, et il s'est dit, c'est le moment ou jamais, on va peut-être réussir à obtenir quelque chose pour les objecteurs de conscience. Et son calcul s'est révélé exact. Très dur, mais exact. Il sait très bien qu'il sera privé de liberté, il ne sait pas combien de temps, il ne sait pas si on finira pas encore à l'obliger à faire son service militaire après des mois ou des années d'incarcération. Mais c'est là qu'on voit la force de ses convictions. En fait, pour lui, la vie n'a plus de sens si on l'oblige à être un militaire. Si on l'oblige à porter des armes, si on l'oblige à porter un uniforme, à obéir à des ordres, il n'est plus humain, et donc la vie n'a plus de sens. Donc il faut aller jusqu'au bout pour lui. Voilà son raisonnement dans sa quintessence, en quelque sorte. Gérard Le Retour, lui, va au bout. Son attitude est vraiment extrême, puisqu'il se livre. Les gendarmes sont stupéfaits, d'ailleurs. Ah oui, de le revoir. Les mêmes qui l'avaient accueilli la première fois, d'ailleurs. Daniel Pinos. Là, on a affaire à un jusqu'au boutiste. Parce que d'autres se seraient contentés de rester en Belgique, d'attendre que ça se tasse. Mais lui, il a une vraie démarche politique. Lui, et puis, il a une conscience, c'est le fait qu'il faut créer un mouvement des objecteurs de conscience. Il faut un statut pour les objecteurs de conscience. C'est quand même le premier qui met ça, crée son programme politique sur ces questions-là. Il est emprisonné encore une nouvelle fois, mais là, il dit « j'ai préparé mon coup ». C'est-à-dire que j'ai bien compris que je ne réussirai pas à faire bouger l'opinion publique si je n'ai pas préparé la presse. Alors là, bien sûr, il est allé voir tous les journalistes qu'il connaissait, notamment les journalistes du journal L'Œuvre, qui étaient un peu les mêmes que les journalistes du journal Le Canard Enchaîné, et surtout d'un avocat. Il lui fallait un avocat. Et c'est justement Maître Gaston Chazette, qui a été ensuite sénateur de l'Eure, qui est un homme assez connu, et on lui conseille cet avocat, et il dit à cet avocat, je vais confier non seulement ma liberté, mais aussi ma vie. Et cet avocat s'est trouvé extraordinaire pour le sortir d'affaires. Gérard, le retour est assez lucide. Alors, il est lucide, voilà, parce qu'il veut préparer, il sait que ça va être très difficile. Et il sait qu'en rentrant, en constituant prisonnier comme ça, l'armée n'allait pas lui faire de cadeau. Elle serait encore pire que la première fois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, il a été obligé de faire, et là, ça a été un peu son erreur, non seulement la grève de la faim, mais la grève de la soif. Et la grève de la soif, ça détruit beaucoup de choses à l'intérieur du corps. Et il avait peur de ne pas tenir. Ça provoque un empoisonnement en général. Voilà. Et alors à ce moment-là, quand il se retrouve, il veut rester sur Paris, dans la prison du Cherche-Midi, où on mettait pas mal de gens qui étaient des réfractaires, mais on le transfère encore à Nancy. Et alors là, il se dit, c'est la catastrophe, parce que bon, tous les gens de Paris qui auraient pu venir me soutenir ne pourront pas. Et là, c'est quand même l'avocat et les journalistes qui font un travail énorme, notamment La Fouchardière, qui fait un article extraordinaire dans le journal L'Œuvre, et aussi ensuite Châtelain-Taillade dans Le Canard Enchaîné. Donc en janvier 1933, lorsqu'il se présente de lui-même, il est pour la première fois en capacité de rentrer dans un rapport de force avec l'autorité militaire et au-delà, avec le gouvernement. Il a prévenu de son acte, et non pas prévenu seulement cette fois-ci le ministre de la Guerre, mais un comité de soutien réuni autour de lui, un comité tout à fait squelettique, mais qui forme déjà les bases d'une situation tout à fait nouvelle, c'est la mise en connexion du détenu avec l'opinion publique. Mardi 10 janvier 1933, sixième jour de grève de la faim. Je compte les jours qui s'écoulent avec un acharnement sans pareil. Cela ne fait pas seulement 6 jours que je suis arrêté. Cela fait aussi 6 nuits. Les nuits devraient compter double. Impossible de dormir. Tout me passe et repasse par la tête. Cette nuit, j'ai compté que ma grève de la faim durerait peut-être 24 jours, comme celle de Simons. Je suis donc au quart. Encore 18 jours, ce sera long. À la prison, on ne m'a rien serré du tout. Qu'aurait-on pu faire à un homme qui s'en va vers la liberté ou vers la tombe à grandes étapes? Jeudi 12 janvier. Les jours ne vont pas vite. Voilà seulement 8 jours de jeûne. Les jours se suivent et se ressemblent terriblement. Heureusement que je verrai Maître Chazette samedi. Vendredi 13 janvier. Rien de nouveau, beaucoup de lettres. Le moral reste bon. Il ne peut rien m'arriver de plus que je n'ai prévu. D'ailleurs, je commence à me désintéresser du résultat de l'affaire. Si je meurs, tant pis. Je ne dors pas. Je sens que je ne dormirai plus avant la fin. Je ne pensais pas que l'on pouvait être si long à crever. Samedi 14 janvier. J'ai les pieds et les mains tachés de larges plaques rouges et squameuses. Le médecin m'a dit que c'était consécutif à un empoisonnement du sang causé par la grève de la soif. J'ai la voûte du palais qui flotte dans ma bouche comme si elle se détachait. Ça va décidément mal. Je me réchauffe difficilement. En attendant, début janvier 1933, Gérard Leretour est tout seul dans sa cellule de la prison du Cherche-Midi, prison militaire. Il entame une autre grève de la faim. Et pas plus cette fois-là qu'avant, il n'est sûr de l'issue et il lui arrive de douter fortement. Il se dit, où vais-je? Je vais crever de faim dans l'indifférence et ça n'aura servi à rien. Alors, il n'est plus seul. Il n'est plus seul pour deux raisons. La première, il a désormais le soutien considérable du premier journal d'opposition de France, Le Populaire. Édouard Cille. Le journal Le Populaire ne va pas mettre le cas Le Retour en une. Mais il se produit quelque chose, probablement de manière inattendue, mais qui était pourtant tout à fait prévisible. Le pire ennemi du Populaire, l'Action française, s'empare de l'affaire Le Retour, qui est un don du ciel. Le Retour est jeune militant un peu improbable politiquement. On sait, l'Action française s'est renseignée et fait démonstration publique de son engagement, de sa participation à une loge maçonnique. Il est soutenu par les protestants. Il est soutenu par les cathos de gauche, les rouges chrétiens, comme dit l'Action française. Et surtout, il est dans les colonnes du Popu. Pour Maurras, c'est une occasion formidable de faire la démonstration que la SFIO et le Popu, c'est l'agent de l'anti-France. Et c'est par ce porte-voix par ricochet, donné par l'extrême droite, que l'affaire Le Retour prend un cap inattendu, qui est celui d'une affaire politique majeure, les pros et les anti. Il bénéficie ensuite de la préséance, durant les 3 dernières années, de la maturité des comités de soutien aux prisonniers politiques et notamment aux insoumis du Cherche-Midi. Le Retour devient le nouveau cas d'école, le nouveau martyr des geôles du militarisme français. Est-ce qu'il le vit comme ça ? Il est bien de toute manière obligé de le vivre comme ça, puisque dès lors qu'il entreprend sa grève de la faim, il bénéficie immédiatement du courrier qui lui est adressé. Il voit cette fois-ci qu'il bénéficie d'un rapport direct avec le public, que son geste n'est pas isolé. En janvier 1933, plusieurs journaux annoncent que Gérard Le Retour va probablement mourir. Dimanche 15 janvier 1933, 11e jour de grève. J'ai appris qu'il y avait dans la cellule voisine de la mienne un condamné à mort par contumace pour désertion à l'ennemi. Il répond du fond de sa cellule au prêtre qui officie avec une voix ardente qui vibre étrangement aux oreilles de ceux qui connaissent sa situation. On sent que c'est un homme qui a peur. Il tente toutes ses chances pour en sortir, même la spéculation sur l'éternel. Jeudi 19 janvier 1933, 15e jour de grève de la faim. Cette nuit a été épouvantable. Ce salaud de Rouquier m'a trotté dans le crâne toute la nuit. Vous ferez vos 3 ans de prison et votre service militaire. J'en crèverai plus certainement. Mais je sens que l'armée n'est pas disposée à céder. Jeudi après-midi, Maître Chazette m'écrit que je vais être libéré incessamment. Tantôt j'ai eu un malaise. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais étendu sur ma planche. Je somnolais. Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur qui ralentissait. Je ne sentais plus rien. Ni le froid, ni la faim. Maintenant, je sais comment cela fait lorsqu'on meurt. Beaucoup de courriers. Rien de maître Chazette. Cela ne peut manquer de venir aujourd'hui. J'écris. Mais cela va mal, très mal. Je vais être obligé de me coucher. Je ne pourrai pas répondre à toutes mes lettres, car je suis exténué. Cette journée est épouvantable. Quand cela finira-t-il ? Un gardien m'a apporté ce télégramme. Sera libéré ce soir dans les conditions désirées. Suspension de peine préalable. Fraternité. Chazette Gaston, avocat. À la lecture de ce papier, j'ai vu du brouillard. J'ai sangloté, sans force ni mouvement, pendant une demi-heure, en relisant à travers mes larmes ce papier qui me semblait un rêve. Au dernier moment, et on le libère. Mais c'est pas pour ça qu'on le suit pas, parce qu'il a toujours pas fait son service militaire. Et oui. C'est ça le problème. Alors, lui, il en profite pour créer la Ligue des Objecteurs de Conscience, qui est, disons, la préfiguration de ce qui existe aujourd'hui avec l'Union Pacifiste de France, c'est-à-dire que c'est rattaché à la section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre. Bernard Bessa. L'Internationale des Résistants à la Guerre a été créée en 1920, donc, Gérard Leretour devient le président de cette section. Alors lui, il se dit, mais puisque je suis en France maintenant, je vais essayer quand même d'organiser quelque chose de collectif. Gérard Leretour se rend dans un square parisien et mutile, surtout en jetant de l'encre et en faisant tomber le bras, la statue de Paul Déroulède, qui est évidemment une provocation directe en direction de l'extrême droite. Cet acte-là va lui coûter très cher, puisque Dubry de statut, lui qui était soumis à une peine suspendue, eh bien cette fois-ci, elle est appliquée. Donc il retourne en prison, mais il ne retourne pas en prison qu'en tant qu'objecteur, aussi en tant qu'insoumis, mais avant tout parce que condamné de droit commun. Et on n'est évidemment pas du tout dans la même situation. Il n'arrive plus à imposer son statut de détenu politique. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une certaine lassitude aussi qui s'installe. C'est-à-dire que d'insoumis, on devient une espèce d'ancien combattant de l'insoumission, et on veut passer à autre chose. À un moment donné, la vie, c'est pas seulement les refus comme ça d'une institution comme l'armée. Et puis peut-être, à un moment donné, on est peut-être un peu déçu aussi par les événements, comment tout ceci se termine. Je sais pas, j'imagine comment Leretour a pu le vivre. Effectivement, il y a la proximité de la guerre qui fait qu'à un moment donné, il se dit, je suis démuni, comment je vais réagir face à la déferlante fasciste et comment je risque d'être de nouveau réprimé. Et peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de recul. Tout ça l'amène vers les années guerre d'Espagne, 1937-38, après, et on arrive à 1939, et là, il sait qu'il peut encore être mobilisé. Et à ce moment-là, bon, ben, il décide, comme beaucoup de réfractaires, de reprendre le chemin de l'exil. Certains partent en Norvège, on a aussi d'autres qui partent en Suisse, et puis en Amérique du Sud. Amérique du Sud, et lui, Gérard Le Retour, part au Chili. Il n'est pas le seul à partir en Amérique du Sud. On pourrait revenir sur le fait que l'Amérique du Sud, depuis le 19e siècle, sert de lieu d'utopie ou de transport, en tout cas, à la fois des exilés, des déçus, et de ceux, c'est un peu le Far West du socialisme européen. Est-ce que le retour part au Chili dans cette dimension-là ? Je ne sais pas, parce que nous ignorons tout du Gérard Le Retour de ses 30 ans, disons, à son décès. Moi, ce qui me fascine, c'est ce départ au Chili. Ce type, il n'est pas arrivé au Chili, c'est pas devenu un ouvrier lambda, ou je sais pas, parce qu'il n'avait pas de formation. Il a travaillé depuis très jeune, depuis l'âge de 12 ans, je crois. Mais au Chili, qu'est-ce qu'il a pu devenir? Je sais pas. Et est-ce qu'il a été à un moment donné en contact avec les anarchistes chiliens? On pourrait se demander s'il a vraiment existé, parce que après tout, dans l'œuvre de Louis Lecoing, qui est à l'origine du statut sur l'objection de conscience en 63, il y a deux lignes sur Gérard Le Retour, ouais. Et encore dans la voix d'un autre personnage. Ouais. Il y a très peu de choses. Il y a le dictionnaire des militants anarchistes qui a recensé un certain nombre de choses. Et c'est par la volonté de deux copains qui se sont intéressés au personnage, qui avaient probablement lu le bouquin, qui est peu diffusé, hein, et qui est peu connu dans le mouvement libertaire. Soldat Jamais, c'est très peu connu. Et après, il n'y a rien. Même dans l'histoire du mouvement antimilitariste en France, il y a eu plusieurs ouvrages, il n'est pas trop question de retour, rarement, quoi. C'est étonnant. C'est bien dommage, parce que son nom seul est magnifique. Oui. Gérard Le Retour. Alors, ça peut constituer une légende. À partir de là, ça peut être un personnage de fiction, de cinéma, parce que c'est tellement fascinant, son histoire. Il y a des gens comme ça dans l'histoire qui sont qui passent comme ça, et dont on perd la trace, et ils deviennent des légendes comme ça. La date exacte de son décès. Est-ce qu'il a changé d'identité? Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Si on me dit qu'un jour au Chili, tel auteur, tel prête-nom se révèle en réalité être Gérard Le Retour, je m'en serais pas si étonné. J'aime à croire qu'il a passé la Seconde Guerre mondiale plutôt à Valparaiso. Je crois qu'en tout cas, ce choix qu'il fait en 1939, Gérard Le Retour, c'est donner aussi une part de sublime à son propre passage éphémère et la confirmation de sa modestie, de son immense modestie. Lui qui a toujours été accusé d'être un matu-vu, d'être... Il s'évapore. Il s'évapore, exactement. Il s'évapore. Finalement, les grèves de la faim de Louis Lecoing ont eu raison de la question de l'objection de conscience, aboutissant à l'adoption d'un statut en 1963, après la guerre d'Algérie, et 30 ans après les aventures du pionnier Le Retour. Petit Louis, comme on appelait Louis Lecoing, avait 75 ans à l'aboutissement de sa lutte obstinée. Il n'était plus incorporable depuis Belle Lurette. Entre-temps, Rutger Simons, l'insoumis anversois dont la cause avait été défendue avec fougue par Gérard Le Retour, avait rejoint, pendant l'occupation de la Belgique, le rexisme de Léon de Grelle, puis de Flach et la SS Flanderen, qui étaient des organisations nazies. Victor Marguerite, auteur très populaire qui avait offert une belle préface au livre de Gérard Le Retour, lui l'intraitable militant pacifiste, est devenu plus tard un collaborateur acharné au nom de la paix à tout prix. Les plus belles causes colportent parfois leur lot d'amères déceptions, hélas. Espérons que Gérard Le Retour, en ses lointaines Amériques, n'a pas eu vent de ses regrettables dérives. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Gérard Le Retour, le héros qui ne voulait pas être soldat. Avec Serge Ujeroyo, chanteur et poète, Daniel Pinos, insoumis, Édouard Sill, historien, Bernard Bessa, cinéaste, pacifiste, René Burger, pacifiste. Texte lu par Laurent Lederer. Merci à André Bernard, à Michel Auvray, à Maurice Montet de l'Union Pacifiste, à Franck Véron de la Bibliothèque La Contemporaine à Nanterre et au Timotel Nation rue d'Avron à Paris 20e. Soldat point d'interrogation, jamais point d'exclamation de Gérard Le Retour est introuvable dans l'édition originale de 1933, mais est à nouveau disponible depuis janvier 2018 aux éditions Solanets. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Attaché de production Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Prise de son Inès De Bruyne, Yves Lehors et François Rivalan. Mixage Delphine Baudet. Gérard Le Retour, le héros qui ne voulait pas être soldat. Thomas Duterre, Olivier Chaumel. Voilà pour ce documentaire et pour sortir de cette série sur l'ombre de la Grande Guerre. Eh bien, sachez que ce soir, entre 14h et 21h, se tient à l'auditorium Austerlitz de l'Hôtel National des Invalides un grand colloque qui s'intitule « Sortir de la Grande Guerre » avec des grands historiens de la Première Guerre mondiale comme John Horn, Alexandre Zumpf, Isabelle Davion, Marco Mondini, Robert Gerwardt, Heather Jones, Alexandre Tourmakin ou encore Bruno Cabane. C'est entre 14h et 21h cet après-midi. « Sortir de la Grande Guerre ». Renseignez-vous en allant sur le site de event@dhi-paris.fr, event@dhi-paris.fr. On se retrouve demain.